L'actualité à Nancy et ailleurs. Flore 54, le conseil de proximité L'Axou Village et la ville de L'Axou nous invitent à participer à la campagne à la ville ce dimanche 16 septembre de 10h à 17h. Reynald Rigolo, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes président de la fédération Flore 54, donc qui fait partie de l'organisation de cette journée. Et donc on en est à la deuxième édition de cette campagne à la ville. Deuxième édition, donc juste peut-être un retour sur la première édition. Quels enseignements et comment ça s'était passé? Bah écoutez, le fait c'est qu'on avait déjà fait une autre manifestation quelques années auparavant pendant 5 éditions qui s'appelait Promenons-nous dans les bois, qui se situait en bordure de forêt de haies à L'Axou-la-Sapinière. Mais là, on a souhaité se rapprocher encore plus des gens et notamment du cœur du village, et nous est venue l'idée donc de faire venir la campagne à la ville avec une pièce maîtresse dans le dispositif, c'est l'avenue d'une ferme pédagogique avec ses animaux. Exactement, parce que là on est donc au cœur du vieux village de L'Axou, hein, place de la Liberté et salle Monta à L'Axou village. Et effectivement, donc dans cette rue, vous avez installé de nombreuses animations, notamment une ferme pédagogique. Ah oui, il y aura de très très nombreuses animations, puisqu'il y a à peu près 40 intervenants qui vont être là. Donc la ferme pédagogique du Pichet, donc qui vient des Vosges avec ses matériels, elle va faire y compris plusieurs ateliers, fabrication de beurre, fabrication de farine, de jus de pomme. Il y aura 6 autres fermes qui vont venir présenter leurs travaux ou vendre leurs produits. La ferme du Chaudeau, de l'Altiplano, la ferme de la Chalade, la ferme des Salades. La Chaouette aussi, avec une bière locale très connue. Et puis il y aura donc Artisans du Monde, par exemple. Il y aura Vététique, là, qui vendent des produits bio. Il y aura un apiculteur. Il y aura tous des gens qui travaillent l'artisanat, tel qu'un vannier qui vient de la capitale de la vannerie de Fébio, en Haute-Marne. Et puis on aura donc plein d'animations, dont un orgue de babari qui va déambuler dans les rues du vieux village. Donc il sera entièrement fermé et dédié à la manifestation en toute sécurité. Qu'est-ce que ça représente pour la fédération Flore 54 d'organiser un tel rendez-vous avec tous ces acteurs justement? Écoutez, c'est un très très gros travail de préparation. D'une part, il faut solliciter très longtemps à l'avance tous les intervenants. N'oubliez pas que notre objectif aussi d'avoir choisi le troisième dimanche de septembre, c'est d'être dans le cadre de la fête du patrimoine, parce qu'on pense que la ruralité et la ville et le lien entre les deux fait partie de notre patrimoine. Et n'oublions pas que L'Axou, il y a à peu près 2 siècles, était un village de vignerons. Et donc, il y a encore des traces de ces vignes tout autour de L'Axou, dans des haies, on trouve de vieilles vignes, on trouve des inscriptions sur des maisons. Et vraiment, le cœur du village de L'Axou se prête bien à ce genre de manifestation. Et on remercie très sincèrement Madame la maire de L'Axou et tous ses services d'avoir pu permettre de présenter une si belle manifestation. Et on espère voir nombreux le public à venir à toutes les activités que nous proposons. Exactement, les activités sont nombreuses et les associations présentes aussi pour présenter leurs actions. Donc ça s'adresse vraiment à un très large public, on peut y aller avec ses enfants, parce que vous l'avez dit, il y a des démonstrations, on peut mettre la main à la pâte, hein, concrètement. Ah oui, tout à fait, il y aura, je vous dis, fabrication de beurre, de farine, il y aura des produits d'entretien, il y aura zéro déchet qui va être là, il y a Bout de Ficelle, qui est une nouvelle association très dynamique sur la métropole, qui travaille un petit peu sur les économies, les éco-gestes, des trucs, apprendre plein de choses, des rencontres passionnantes. Franchement, c'est une très très belle manifestation et on est d'autant plus agréablement surpris qu'on nous annonce le soleil. Exactement, donc il faut en profiter. Donc tous à L'Axou, tous à L'Axou Village ce dimanche 16 septembre de 10h à 17h. Donc il y aura bien sûr possibilité de se restaurer sur place, j'imagine. Oui, tout à fait, il y aura une restauration sur place, mais les gens peuvent aussi, pourquoi pas, venir avec leur pique-nique, on n'est pas fermé. Et entre autres, je voulais dire qu'on avait quand même une jeune fille, Marie, en service civique, qui a passé ses 6 mois à préparer cette activité. C'est un très très gros travail et on peut la remercier de vouloir nous présenter une très très belle manifestation ce dimanche à L'Axou dans les rues du village. Merci beaucoup Reynald Rigolo. On retrouve bien sûr toutes les infos sur le site de la fédération flore54.org. Merci encore. Merci, bonne journée. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.